Chapitre 4. La confidence. Je ne suis pas frère de Marguerite, dit l'artisan. Je ne suis que son cousin. Mais cela ne fait pas de différence et je ne l'aime ni plus ni moins que si elle était ma sœur. Elle s'appelle Marguerite Aubert et je me nomme Daniel Leroy. Elle peint les fleurs à l'aquarelle et je suis ouvrier typographe. Mon père, que vous venez de voir, est un ancien de la grande armée. Vous avez pu remarquer qu'il en avait l'air, malgré son âge et sa maladie. Il n'avait pas 18 ans quand il s'engagea sous le premier consul dans les grenadiers du 25e de ligne pour empêcher de partir le fils d'un bienfaiteur de notre famille qui était tombé à la conscription et qui n'aimait pas assez de tempérament pour les campagnes de ce temps-là. Une fois lancé avec Napoléon, mon père fit toutes les guerres d'Allemagne et ne revint qu'au bout de 8 ans. Encore, il ne resta au pays que le temps d'embrasser sa mère et sa petite sœur. Le tambour battait pour marcher en Russie. Mon père alla à Moscou, à la Bérézina, et finit par Waterloo comme l'empereur. Ce fut là qu'il reçut les blessures dont vous avez dû lui voir les cicatrices au visage. Un autre lui fracassa la jambe droite, dont il boite depuis ce temps-là. Ne pouvant plus aller, il s'arrêta. Il s'établit à Paris avec ses épaulettes de sergent, son sabre et sa croix d'honneur, 300 francs de pension, qu'il ne touche plus, et un fils de 12 ans qui était moi. Ma mère, qu'il avait épousée en courant pendant un congé, était morte, presque sans le connaître, en me mettant au monde. Une sœur de mon père, la mère de Marguerite, restée veuve, m'avait pris chez elle et m'avait élevée jusqu'au moment de son congé définitif. Aussi, quand il revint, il eut sa revanche. Sa sœur remplaça sa femme auprès de lui. Sa nièce devint sa fille. Tous deux partagèrent les économies qu'il avait trouvé le moyen de faire sur le prix de son sang. Et Marguerite reçut la même éducation que moi-même, c'est-à-dire, entendons-nous, monsieur, et ne la jugez pas par moi, elle a profité de son instruction, comme vous vous en assurerez, si vous causez avec elle, et moi j'ai si bien envoyé les maîtres et les leçons au diable que je n'ai rien pu devenir de mieux que ce que j'ai eu l'honneur de vous dire. Quant à Marguerite, il n'aurait tenu qu'à elle d'être une demoiselle comme une autre, mais, voyant sa mère morte, car elle s'en était allée bien jeune, la pauvre femme, et sentant que mon père, qui l'avait adoptée, devenait de jour en jour plus invalide, elle a mieux aimé garder son simple état d'artiste en fleurs pour rester auprès de lui et soigner ses vieux jours. Voilà 3 ans qu'elle vit avec lui, l'aimant et le choyant comme si elle était sa fille, tandis que je vais et viens jour et nuit pour mon métier. Mais comme je vous ai dit, on a retranché à mon père sa pension. Ses économies se sont épuisées, et nous nous sommes vus tous les 3 sans autre ressource que mes 2 mains et le pinceau de Marguerite. On a bien, de temps à autre, proposé aux vieux soldats des places de concierge dans de bonnes maisons. Mais il nous a toujours dit « Vous avez du courage, mes enfants, et nous ne sommes pas encore sans pain. Eh bien, restons libres et travaillons. » C'est ce que nous avons fait jour et nuit. Je suis allé à Lyon en 1800 et quelques, croyant y gagner davantage. Ça m'a réussi pendant quelque temps, mais les émeutes sont survenues. Les folies des coupables sont retombées sur les innocents. Mon chef d'atelier, ruiné par la révolte et pillé par les rebelles, n'a pu me payer le salaire de 3 mois qu'il me devait. Je me suis vu sur le pavé comme tant de confrères, et je courus la France pendant plusieurs années. C'est alors que je reçus une lettre de Marguerite. Elle m'annonçait la maladie de mon père, et me priait de revenir promptement, ne pouvant plus suffire seul aux soins et aux dépenses de la maison. Je recueillis le peu d'argent qui me restait, et mon sac sur les épaules, mon bateau à la main, je partis à pied pour Paris, où j'arrivai après avoir marché 12 jours et 12 nuits, sans repos ni sommeil. Je suis fort, mais c'était trop. Je tombai en défaillance sur le lit de mon père, en l'embrassant, et Marguerite eut de malades à soigner au lieu d'un. Il y a 10 jours de cela. Je ne suis relevé que de hier. Je n'ai pas encore la force de travailler, comme vous avez pu vous en assurer tout à l'heure, et pourtant. À ces mots, Daniel s'arrêta court et appuya son front sur sa main. Et pourtant, dit Édouard, vous n'avez jamais eu tant besoin du fruit de votre travail. Achevez, mon ami, ne me cachez rien. L'artisan reprit d'une voix sourde. Ce matin, pendant que mon père dormait et que Marguerite était dehors, pendant que tout Paris courait en fête au-devant de l'empereur, j'ai visité l'appartement et sondé l'abîme de notre misère. J'ai ouvert le tiroir du secrétaire où ma cousine met notre argent, rien. J'ai ouvert la petite boîte où elle renferme ses économies, rien encore. J'ai ouvert l'armoire où sont ses robes, toujours rien, si ce n'est des reconnaissants du monde de piété. Elle était sortie pour aller chercher de la flanelle et du vin de Malaga, qu'on avait absolument ordonné à son oncle et qu'il demandait sans relâche depuis la veille. En sortant, elle avait emporté quelque chose sous son bras. Je devinais que c'était sa pelisse, un cadeau que je lui avais fait au jour de l'an. Mais le prix ne suffisait pas pour acheter ce qu'il fallait à mon père. La malheureuse est revenue les mains vides. En achevant ce récit, la voix de Daniel s'était altérée. Ses yeux, baissés vers la terre, annonçaient une lutte sourde entre la honte et la douleur. « Voilà notre histoire, monsieur, » reprit-il. « Il n'y a rien de bien nouveau dans tout cela. Et c'est ce que vous pourriez apprendre dans 1000 familles, par le temps qui court. Cependant, vous voyez que nous sommes un peu plus maltraités que de raison par la fatalité. Et si vous connaissiez quelque atelier où l'on voulut accepter mon travail, tout faible qu'il sera, jusqu'au retour de mes forces. Oui, mon ami, interrompit Édouard de Méran, s'empressant de saisir l'occasion de concilier l'honneur de l'artisan avec l'aumône qu'il voulait lui faire. Je connais, ajouta-t-il, en continuant son noble mensonge, un imprimeur qui sera trop heureux de vous donner de l'ouvrage à ma recommandation, et je puis assez compter sur lui pour vous en avancer le prix en son nom en attendant que vous soyez tout à fait rétabli, car il ne voudrait pas plus que moi abuser de votre courage dans l'état où vous êtes. Combien gagnez-vous par jour, au plus? 4 ou 5 francs, quand les temps sont bons. Eh bien, voici un mois d'avance. Et il mit 7 napoléons sur la cheminée. Tant de bonté, monsieur, s'écria l'artisan confus, mais prêt à refuser fièrement. Entre jeunes gens, il n'y a point de bonté, mon ami, interrompit Édouard. Mon père a été soldat comme le vôtre. Ils ont fait ensemble les guerres de l'Empire. Permettez-moi donc, pour tout remerciement, de venir souvent savoir de vos nouvelles et de celles de votre famille. » Les larmes de Daniel furent toute sa réponse, et il n'osa plus refuser en songeant à son père. Édouard reprit. « Vous m'avez dit que Mademoiselle Marguerite peint les fleurs. Envoyez-la demain chez ma mère, Madame de Méran, rue de Grenelle, numéro 54. On lui procurera des travaux qu'elle pourra faire ici tout en soignant son oncle. Vous êtes le fils du général de Méran ?» s'écria Daniel avec admiration. « Ah, monsieur, mon père est entré avec le vôtre à Vienne, et il a bien raison de dire qu'il faut toujours compter sur la Providence, car c'est elle qui vous a envoyé vers nous un jour comme aujourd'hui. »« Oui, c'est elle. Au revoir, » dit Édouard, en s'échappant tout à coup. « Au revoir, mais je serai bientôt en état de m'acquitter, » s'écria Daniel avec la plus énergique reconnaissance.